special bassinet with a lullaby attached. Rock a bye, baby, on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock, rock, rock it, baby. Rock a bye, baby, on the treetop. When the wind blows, woo! Your little cradle will rock, whoa, rock it. When the bough breaks, the cradle will fall. Down, oh, come my baby, my little baby. Down, oh, come my baby, baby and the cradle and all. Go to sleep, go to sleep, go to sleep. Close your eyes and go to sleep while Mammy tries to sing a lullaby. Lullaby. Lullaby. Mammy's gonna rock you to sleep. Lullaby, bye, bye, baby. Rock, rock, rock, cradle. Sleep, sleep, sleep, Jackson. Shoot the talcum to me, Malcolm. Alors, comme vous l'entendez peut-être dans l'écho là qui fait retentir ma voix sur les quatre murs du studio, je suis seul dans le studio aujourd'hui. Alors, non, pas seul évidemment, car sans Nicolas, évidemment, ma voix ne parviendrait pas, à moins qu'il ait laissé la console ouverte, mais non, je le vois bien là sur l'antenne avant de partir. Mais je m'égare. Après tout, s'égarer, n'est-ce pas l'important, ne pas savoir où on va, où on va. Et en fait, en préparant cette émission... Je me demandais ce que j'allais faire, puisque j'étais tout seul. Et je me demandais si, comme Michaud, je pourrais pas prendre des drogues. Sauf que j'ai pas son talent littéraire, donc peut-être que j'aurais pu le faire. J'aurais pu faire l'émission comme ça, pour voir ce que ça donnait. Et voir ce que les effets... Michaud, hein, qui bientôt sera mis en film d'animation, en court-métrage, par un réalisateur japonais, qui va nous faire quelque chose d'assez extraordinaire, j'en suis persuadé. Voilà, mais j'ai pas son talent, comme je dis, littéraire. Et j'aurais été difficile d'expérimenter ça en direct. Et puis j'ai déjà testé ça. Avec de l'alcool lors d'une mission avec Francis Gavel. Et là, en fait, j'ai écrit ce texte et je me suis arrêté. Peut-être que c'est le nom Francis Gavel qui m'a... Je sais pas, il y a eu quelque chose et je me suis dit que je pouvais pas écrire aussi bien que lui. Donc d'un seul coup, j'ai arrêté mon texte et je pourrais pas continuer dans ce texte-là puisque voilà, donc il est fait. Je suis tout seul, mais et je ne savais pas qu'il serait là dès le début. Donc à côté de Nicolas, il y a cette ombre, plus qu'une ombre, de Francis Gavel qui est là. Les deux sont en face de moi. Ça va être une émission très musicale avec quelques news. Si Francis veut dire des petits mots, on verra. C'est surtout beaucoup, beaucoup de musique aujourd'hui. On a commencé par Virginia O'Brien, je ne sais pas si vous connaissez, avec une chanson qui s'appelle Lullaby, Rockaby Baby, que vous pouvez voir dans un film qui s'appelle The Big Store, en français, parce qu'en français, il faut qu'on change les titres. On appelait ça Marx au grand magasin, parce qu'il y a le Marx Brothers donc, dedans, donc qui à un moment donné assez extraordinaire, vous avez entendu la voix de Groucho au tout début. Et Virginia O'Brien, c'est quelqu'un qui, en fait, s'est rendu compte qu'elle avait cette espèce de chant comme ça, un peu délirant, mais elle a un visage qui ne bouge pas quand elle chante. Donc ça donne une espèce de contraste assez étonnant et on la voit dans deux, trois autres films. Donc voilà, je vous conseille en tout cas Virginia O'Brien. Elle n'est pas là, mais si l'ombre de Francis Gavel n'est pas loin en face de moi, celle qui est pour l'instant dans un festival qu'on ne nomme pas dans le sud, Marie-Pauline Mollaret, évidemment son ombre est là tout le temps présente et c'est pas parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui qu'elle n'a pas le droit à son album du mois comme d'habitude, album du mois qui est plutôt pour elle l'album de l'année, même si, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais visiblement ce n'est pas le plus grand album de ce groupe donc qu'elle adore, qui sont The National. Je ne pourrais pas vous dire plus que comment que je pourrais pas vous en parler aussi bien qu'elle. Donc je propose, Nicolas, qu'on écoute donc tiré de leur nouvel album le morceau Eucalyptus. À tout de suite. What about the light? What about the TV screen? What about the undeveloped cameras? Maybe we should bury these. What about the last of the good ones? What about the ceiling fans? What if we move back to New York? What about the moon drop light? You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, I'm only gonna break it. You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, you should take it. What about the rainbow eucalyptus? What about the instruments? What about the cowboy junkies? What about the Afghan wigs? What about the mountain valley spring? What about the ornaments? What if I reinvent it again? What about the moon drop light? You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, I'm only gonna break it. You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, you should take it. You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, if I miss it, I'll visit. You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, you should take it. Lettre 1. À Mrs. Saville, Angleterre, Saint-Pétersbourg, 11 décembre 1700, et des poussières. Vous vous réjouirez d'apprendre que nul désastre n'a accompagné le commencement d'une expédition que vous envisagiez avec appréhension. Je suis arrivé ici hier et ma première tâche est de rassurer ma chère sœur sur mon excellent état de santé et de lui exprimer ma confiance croissante dans le succès de mon entreprise. Je suis déjà fort au nord de Londres et en marchant dans les rues de Saint-Pétersbourg, je sens la froide bise du nord cingler mes joues, bander mes nerfs et me combler de délices. Comprenez-vous cette sensation ? Cette bise, qui a voyagé dans les régions vers lesquelles je me dirige, me procure un avant-goût de ces climats glacés. Inspiré par ce vent chargé de promesses, mes rêves deviennent plus fervents et plus ardents. Je m'efforce en vain de me persuader que le pôle est la région de la glace et de la désolation. Il se présente à mon imagination comme un lieu de beauté et de délices. Là, Marguerite, le soleil est toujours visible, son large disque fixé à l'horizon diffuse une splendeur perpétuelle. Là, si vous voulez ma sœur, je me fierai aux explorateurs qui m'y précédèrent. La neige et la glace sont bannies, et en naviguant sur une mer calme, nous pouvons voguer vers une terre surpassant en merveille et en beauté toutes les régions découvertes jusqu'ici sur le globe. Ces produits et ces caractéristiques sont sans pareil, tout comme les phénomènes célestes qui se manifestent dans ces solitudes inconnues. Que ne peut-on espérer dans ce pays de l'éternelle lumière ? Peut-être y découvrirai-je le pouvoir merveilleux qui attire l'aiguille aimantée. Peut-être ferai-je par milliers des observations célestes qui me rendront célèbre à jamais. Chose qui me semble cependant peu probable. Je satisferai mon ardente curiosité en contemplant une partie inexplorée du monde et je pourrai fouler une terre où jamais pied humain ne s'est posé. Voici ce qui m'attire et c'est suffisant pour vaincre en moi toute crainte de danger ou de mort et m'inciter à commencer ce laborieux voyage avec la joie d'un enfant qui s'en va dans une barquette avec des camarades de jeu afin de faire des découvertes le long des rivières de son pays natal. Mais supposant toutes ces conjonctures fausses, vous ne pouvez contester, ma sœur, l'inestimable bénéfice que j'aurais conféré à tout le genre humain jusqu'à la dernière génération en découvrant un passage près du pôle et menant à ces contrées alors qu'il faut à présent tant de mois pour les atteindre. Ou en découvrant le secret du magnétisme qui, si la chose est possible, peut seulement être décelé grâce à une entreprise comme la mienne. Le titre de l'album de The National s'appelle First Two Pages of Frankenstein, donc les deux premières pages de Frankenstein, et je viens de vous lire donc les deux premières pages de Frankenstein de Marie Shelley. Je ne sais pas si c'est ce que voulait le groupe The National, voilà, je ne sais pas si c'est cette volonté de gloire que veut notre héros qui n'est pas, si vous n'avez pas lu Frankenstein, qui n'est pas le docteur Frankenstein et qui n'est pas le monstre, mais qui est la personne qui va rencontrer le docteur Frankenstein, qui va lui raconter son histoire. Marie-Pauline Mollaret encore, on fait tout un pôle Marie-Pauline Mollaret. Je lui passe son morceau comme ça, je ne sais pas si elle écoutera cette émission, mais elle serait, j'avais dit que je n'étais pas fan de cet album, mais nous sommes une équipe, et donc évidemment, il n'y a aucune raison, elle me l'a dit, de censurer, elle employait elle-même ce terme, un terme suffisamment fort, et bien joué Marie-Pauline, pour le fait que, évidemment, donc j'allais évidemment passer son morceau, d'un album dont... J'avoue, un groupe sur lequel j'ai toujours eu du mal. J'ai beaucoup aimé l'avant-dernier album, puisque maintenant ils viennent d'en sortir un. Le dernier album s'appelle Memento Mori. On avait déjà eu un extrait de cet album par Pascal Le Duf. C'est Dépêche Mode. Et ce morceau s'appelle My Cosmos is Mine. On écoute Nicolas. Cosmos is mine. Don't stare at my soul. I swear it is fine. Its borders are outlined. My cosmos is mine. My cosmos is mine. My cosmos is mine. My cosmos is mine. My cosmos is mine. Voilà, le nouvel album de Depeche Mode, un bulbe de rêve aujourd'hui très très musical, puisque donc voilà, mes petits camarades sont ailleurs, dans une autre atmosphère, un autre univers. Alors je vais quand même vous donner quelques news, même s'il va y avoir avant tout des musiques. Mais je voulais vous donner quelques noms de films qui sont sortis récemment sur Internet, d'animation. On va rester dans l'animation pour l'instant. Donc, alors je vais essayer de les dire doucement, j'ai pas fait de page sur le site bulbe de rêve, j'avoue, parce que bon... Comme je ne sais jamais ce que je vais dire, ça a pas mal improvisé. Mais donc voilà, donc il y a le dernier film de Sacha Zvirsky, S-V-I-R-S-K-Y, Sacha Zvirsky, S-V-I-R-S-K-Y. De toute façon, vous pouvez les réécouter en podcast pour renoter. Son dernier film s'appelle My Galactic Twin Galaxy, enfin son dernier, son avant-dernier film maintenant. Il y en a déjà un nouveau, il va très vite. Sacha Zvirsky, c'est un réalisateur russe. Alors, ils l'ont bien dit, c'est marqué sur le... quand ils ont posté ce film, lui et sa compagne, qui sont tous les deux, qui travaillent tous les deux ensemble, ont bien marqué qu'ils ont supprimé au tout début de ce film. Normalement, vous avez l'aigle qui est là pour donner, qui est l'emblème pas le musée de la culture, mais en tout cas qui donne de l'argent en Russie. Et comme ils le disent, ils veulent pas, ils sont maintenant exilés, ils sont à Berlin, ils sont en Allemagne et ils l'ont enlevé. Ils reconnaissent qu'ils ont eu de l'argent, ils ne vont pas s'en cacher. À l'époque, c'était autre chose, mais qu'évidemment, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et par Poutine, évidemment, ils ont décidé d'enlever. Beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices russes font ça maintenant, aujourd'hui. Donc, My Galactic Twin Galaxy, c'est un vrai punk, c'est un vrai type un peu fou, Sacha Zvirsky. Donc, regardez son cinéma, c'est vraiment super intéressant. S-V-I-R-S-K-Y. Un autre film de Marco, alors ça, c'est sur Vimeo. Marco Dieschka, D-J-E-S-K-A, D-J-E-S-K-A, oui, Marco Dieschka, All the Sensation in My Belly, et qui nous raconte l'histoire de quelqu'un qui va changer de sexe et qui raconte la difficulté évidemment qu'on a, la difficulté qu'il peut y avoir à ce moment-là aussi par rapport les gens autour de nous. Busline, on reste dans quelque chose de social fort. Busline 35A, alors c'est l'animation workshop toujours sur Vimeo, et qui raconte comment une jeune femme qui va être embêtée même un Enfin, si, ça, c'est. Mais t'es dans le bus et chacun des trois protagonistes autres qui sont dans le bus vont penser à autre chose et personne ne va intervenir. Il n'y aura pas agression physique, mais évidemment, l'agression est là puisque c'est une agression qui va être une agression verbale et qui est très dure, évidemment, comme beaucoup de, malheureusement, de femmes peuvent encore subir aujourd'hui. Donc voilà, bus Line 35A. Un autre film, je sais que le guest d'aujourd'hui aime bien, qui est Chloé Van Herzel. Chloé comme Chloé, C-H-L-O-E, Van, V-A-N, plus loin, Herzel, H-E-R-Z-E-E-L. D'Anne-Sophie Giraud et Clémence Bouchereau, Chloé Van Herzel, qui est apparu ça sur YouTube. C'est un film qui est très touchant. Alors, les gens qui aiment l'animation vont vous dire c'est un film en sable animé. Les films qui aiment le cinéma vont vous dire c'est surtout un film qui parle de cinéma et comment sauvegarder. Ça fait peut-être un peu passéiste, mais quand même ce bonheur d'entendre le clic-clic du 35 mm ou du 16 mm et comment garder tout ce patrimoine. Faut savoir quand même que au passage au numérique, beaucoup de films ont été détruits, enfin ne sont plus, alors pas détruits forcément, mais une copie 35 mm cachée et que si financièrement ça ne vaut pas la peine, on les met pas en numérique et qui sont impossibles à passer. Faut savoir qu'aujourd'hui, même des gros festivals comme Annecy, bon, je suppose que Cannes a encore cette possibilité là, mais ne peut plus passer de pellicule ni 35 mm ni 16 mm. Donc voilà, Chloé Van Herzel, et c'est un film qui est très touchant. Alors, je vais dire quelque chose qui est tout le temps, je sais, qui peut-être ennuie les réalisateurs et actrices, mais que j'ai tout le temps, qui moi je trouve est très friable. Alors, c'est pas à cause du sable, hein, ça serait un jeu de mots un peu facile, mais je trouve que voilà, il est pas parfait et c'est ce qui le rend touchant. C'est que justement, on a l'impression de cette quête un peu comme cette dame, une quête un peu. Pas désespéré, mais un petit peu, et je trouve le film très, très touchant. Il vous reste quelques jours pour voir une autre réalisatrice, un autre film d'une réalisatrice que j'aime beaucoup, alors c'est plus compliqué, qui s'appelle Shiva Sadeg Azadi, Shiva, S-H-I-V-A, Sadeg S-A-D-E-G-H, Asadi, A-S-A-D-I, mais vous trouvez le film sous le nom de Stain, donc comme une tache, S-T-A-I-N, sur le site d'Arte, dans Court Circuit. C'est une réalisatrice iranienne, ses films sont très forts, sont assez bouleversants, on parle de violence familiale, mais on ne sait pas du tout ce tenant, quoi il est, le tenant, enfin... C'est même moi là qui parle de ça, mais c'est même jamais complètement dit. Le film est très, c'est très très fort et c'est très court. Et quelque chose de, elle utilise des objets pour enfants, des jouets pour enfants, donc quelque chose de très très très très fort. Ce qui résonne dans le silence de Marine Blin. Marine Blin est souvent venue ici. Elle a fait son film avec Papy 3D et c'est sur le Vimeo. C'est un très beau film moi, que j'aime beaucoup sur. Ben voilà, qu'est-ce qui se passe quand on ne voit pas une personne qu'on a aimée, quand on nous empêche de voir une personne qu'on a aimée à la fin de sa vie, enfin même là, morte, comment on a ça dans la mémoire et comment quelqu'un, là, une personne va en faire ce métier d'accompagner ses morts justement vers et les familles vers cette dernière sépulture, sans qu'on empêche de les voir, ou en tout cas une réflexion par rapport à ça. Et le dernier film, je vais peut-être laisser... S'il a un mot à dire, parce que je sais que c'est un film qu'il aime beaucoup et qu'il a passé, je suis très content qu'il soit en ligne. Alors c'est un film qui est très compliqué à voir parce que le film fait comme ça, ça laisse à Francis le temps de réfléchir rapidement sur le petit mot qu'il va dire. C'est un film qui est donc qui fait 30-35 minutes et qui est sur Vimeo, qui est un film de Titouan Bordeaux, comme la ville sans X, B-O-R-D-E-A-U, qui s'appelle Bye Bye Elida. Alors c'est des films que moi j'ai aussi sélectionné au PIAF, mais que toi tu avais passé lors d'une sélection de ta sélection à la Cinémathèque. Tu nous dis deux petits mots. Que les gens aillent voir Bye Bye Elida. Ouais, alors c'est vrai que c'est pas évident. En plus, ça commence à être un souvenir lointain, le film. Mais c'est vrai que la première fois que je l'avais vu, je pense que c'est un film qui est dans lequel il est pas évident de rentrer, hein, et sur lequel, du fait en plus de sa durée, ses 35 minutes, on est dans un univers un peu absurde, un peu onirique, un peu futuriste, assez minimaliste en même temps. C'est une espèce de quête de l'absurde et de l'absolu. Donc, faut vraiment lâcher prise, je pense, avec le film. Et à partir du moment où on accepte ça et de suivre comme ça les personnages que le film nous propose, on peut être assez fasciné. Mais on peut, à l'opposé complet, avoir un rejet total du film en se disant « Mais je comprends rien !» Voilà, il faut pas être très cartésien dans son approche du film, mais il faut le prendre, je pense, comme une belle, comme une expérience de cinématographique. Et puis après, voilà, c'est aussi un projet complètement fou qu'il a fait pratiquement tout seul. Et il y a qu'en fin de, que sur la production, il a été accompagné par une société de production qui est Nova Anima Productions. Mais sinon, c'est vraiment le désir de dire je. Il disait ça d'ailleurs, Titouan Bordeaux, il disait « j'ai voulu lui faire un film qui avait de compte à rendre qu'à lui-même ». Alors quand on dit ça, ça veut dire qu'il ne devait pas passer par les commissions et par du financement, et donc se concentrer uniquement sur ce qu'il voulait raconter, même que ça parte dans le plus grand des délires. D'ailleurs, on peut se dire que peut-être que s'il était passé par des commissions, il y aurait eu une volonté d'assagir, de rendre peut-être plus compréhensible le film, et donc lui n'a pas voulu ça. C'est intéressant aussi parce que c'est comment je peux faire autrement. En tout cas, essayer de faire du cinéma autrement. Alors, l'avantage pour quelqu'un comme Titouan Bordeaux, c'est que comme il est animateur, il est capable de faire son film d'animation tout seul. C'est aussi ce qui s'est passé avec Anne-Sophie Giraud. C'est un projet de très longue haleine et qu'elle a conduit pratiquement toute seule jusqu'au moment où Clémence Bouchardeau est arrivée pour l'aider, notamment par rapport à ce que m'avait dit Anne-Sophie à l'époque, par rapport à tout ce qui était scénario, peut-être un peu resserrer les choses, redonner comme ça une force. Mais c'est vrai que ce désir de parler du cinéma qui disparaît, de la pellicule, alors on pourrait dire que c'est un cinéma paradiso en animation, quoi, mais c'était une volonté très forte d'Anne-Sophie. Et là, voilà, c'est deux personnes en fait, finalement, qui toutes les deux ont voulu faire des films en dehors de ce qui est un cercle tout à fait vertueux, hein, le fait qu'on puisse financer des films et être payé quand on travaille, quoi. Ce qui n'est pas un défaut, loin de là. Mais qui va faire que les films vont peut-être prendre une forme, parfois, peut-être pas plus assagie, mais plus formatée, le mot est peut-être excessive, mais en tout cas plus préparée. Non, mais d'avoir une liberté, comme tu dis, même dans leur erreur, le mot n'est pas beau, mais en tout cas dans leur dans leur vagabondage, quelque part, oui, à des moments donnés. Mais vagabondage, voilà, c'est ce qui va peut-être manquer quand tu es dans une commission. On va te demander justement de songer, peut-être que le mot n'est pas beau, mais à une certaine efficacité, à une efficacité de cinéma d'auteur. Qu'est-ce que c'est être efficace dans le cinéma d'auteur? Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que et toi et moi au Piaf, nous les avons présentés sur grand écran, parce que c'est vrai que là, il va falloir vous installer devant, éteindre la lumière, éteindre votre portable, et se dire, allez, je me laisse transporter. Alors, celui de Chloé Van Herzel fait 17 minutes, donc c'est un peu plus facile, mais c'est vrai que le 35 minutes, il faut lui donner cette chance. Encore une fois, je pense que, comme tu l'as très bien dit, et je ne rajouterai rien, je pense que justement, c'est des efforts, des très très beaux efforts qui méritent d'être soutenus. On va revenir à la musique, on va écouter. Alors, je vous avoue que c'est vrai qu'au niveau rap, ça fait longtemps, moi je suis un peu cette génération qui a connu, les débuts, c'était il y a longtemps, d'NTM, d'IAM, etc. On est un peu né avec le rap comme ça, et c'est vrai que j'ai un peu abandonné le rap, malheureusement, et j'essaie de m'y plonger de temps à autre. J'ai un peu de mal avec le rap français, mais j'essaye, je fais des efforts, je sais qu'il y a des choses très bien dedans. Et là, on va aller plutôt aux États-Unis avec un chanteur qui s'appelle McKinley Dixon, qui est très très intéressant, qui est à la fois très politique, mais alors quand je dis mais, c'est pas que c'est très bien évidemment d'être politique, mais derrière, il y a aussi toute une vraie réflexion sur la musique avec des mélanges funk, rap, soul, qui est vraiment passionnant, jazz, qui est vraiment passionnant. D'ailleurs, son album, si j'ai bien fait les choses, s'appelle le prochain album, hein, qui sortira en juin 2023, s'appelle Beloved, point d'exclamation, Paradise, Beloved, Jazz, point d'exclamation et point d'interrogation. Pour l'instant, trois extraits sont sortis. On va écouter Tyler Forever dans ce qu'on appelle le Kitchen Table Session. Mais juste pour vous dire, McKinley Dixon sera en concert à Paris le 12 juin, si je ne dis pas de bêtises, le 12 juin au Hasard Ludique. On écoute donc McKinley Dixon. In a minute, I'm feeling lack of that apathy. Thinking that they're passing me. Ain't beyond. Actually, I'm doing it, so I'm blowing my shit out all over that balcony. Tyler forever, Tyler for Tyler forever, Tyler for Tyler forever, Tyler forever, Tyler for Tyler forever, Tyler for Tyler forever. Nah, pour that cup, I'm making sure remembers Tyler forever, Tyler for Tyler forever, Tyler for. Yeah. Mama said this lifestyle should have been outgrown. Well, mama, you don't see the beauty that this heroin holds, surrounded by all of my. Why I feel so alone, that black Range Rover skip puddles. We some dangerous stones, propelled forward by vengeance. Pension for taking your penance. Accountability processes loaded in them extensions. We don't fixed on ascending. My boys might break through the roof. Y'all become killers all of a sudden when you find us de loose. Problem with this preaching is it might just make my wrist hot. Nine messed up in that van, them boys slip nine. They kids up in the hood and safety metal. Head banging on your boy, he pushed that overdrive. It's Tyler forever, Tyler for Tyler forever, Tyler for Tyler forever, Tyler forever, Tyler for Tyler forever, Tyler for Tyler forever. Nah, chords and stuff, I'm making sure to remember. Tyler forever, Tyler for Tyler for Tyler for Tyler for. Shut down. Concrete to my ears, nowadays ain't no I fear. Anything I've learned in all of my years, danger to talk when you battle your tears. You hear me now, I brought on my singers. Mama don't want what the pain gon' bring us. Fighting the battle, skin on my fingers, bite it off, but the pain still lingers. All that glitters ain't gold. You can still hobble pieces to make something that holds. A young and blind, blind, blind, but staring at my mom's glow. Now these white eyes can't seem to die, she's sending her blows. It's murder music for who ain't been murdered. I'm sure if he was here now, he'd say that that's just unheard of. I laugh, say yeah, you right, it's probably true. Then sitting on his floor, I realize poets lie too. How you parallel the hell that comes with writing stories, to the tales of triumph, flight, and even oftentimes glory. Cause I know all them mentioned in all of them things, but I'ma close my eyes for a bit. Can you just read it for me? Donc Bulle de Rêve, une émission un peu plus musicale aujourd'hui, évidemment sur Radio Libertaire. McKinley Dixon, Tyler Forever. Et donc si vous avez la possibilité, le 12 juin, d'aller le voir au Hasard Ludique. Je crois que je voulais vous dire d'autres choses. J'ai d'autres choses à vous dire, mais évidemment je ne suis pas aussi bien. Si, je voulais aller. Je parlais en début. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de râler contre Laurent Wauquiez ? Parce que je pense que tout le monde, de toute façon, râle. En effet, c'est quand même bon, la culture, comme d'habitude, est la première touchée. Le festival de Clermont-Ferrand, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas le festival, des fois on peut râler ici même. J'ai râlé contre la programmation, contre le peu de caf souvent fait au cinéma d'animation, mais le festival de Clermont-Ferrand reste évidemment l'un des festivals majeurs qu'on ait en France, rapportant 11 millions de recettes quand même, d'après un communiqué récemment de l'association qui fait le festival. Le festival s'est vu retirer de sa subvention qui était de 210 000 euros, s'est vu retirer 100 000 euros. Pour arriver à 110 000 euros, donc on atteint 50% là, quasiment, évidemment, par... Alors, on sait bien que Laurent Wauquiez n'est pas un grand ami de la culture. Je serais curieux d'ailleurs de savoir quelle est la subvention du Festival d'Annecy, qui, a priori, si je ne dis pas de bêtises, même si je suis né en géographie, doit être dans la même région. Merci Francis de me faire signe de la tête, ce qui prouve que c'est bon. En tout cas, voilà, un scandale, il y a une pétition que vous pouvez signer, je ne sais pas, mais en tout cas, visiblement, en plus, ils annoncent que non seulement le Festival a une subvention qui est réduite, mais l'association qui fait le festival pourrait elle aussi voir sa subvention réduite. Donc ben voilà, râlons aussi. Alors je vais râler aussi un peu, il y a toujours ce problème évidemment que le court métrage n'est qu'une plateforme pour le long métrage, parce que là tout le monde dit sur les gens qui râlent disent mais sans ce festival c'est le court métrage, c'est tout l'avenir du cinéma français qui est en jeu, etc. En animation, même si beaucoup de gens passent par le long, plein de gens font du court. Francis Gavel, par exemple, fait du court. On ne sait pas s'il passera au long un jour. Mais en tout cas, voilà, les gens font du court. Et donc, certes, c'est très bien. Et on veut défendre, évidemment, Clermont par rapport à ça. Mais voilà, le court n'est pas que là pour faire du long. Mais quand même, il faut signer, vous avez compris, la pétition. Des petites choses à savoir. Le 6 juin, au Centre culturel canadien à Paris, vous aurez une séance qui s'appelle Animation Queers, les couleurs éclatantes de la diversité, présentée par Marco Deblois. Marco Deblois qui est le directeur artistique des sommets de l'animation à Montréal, mais qui est aussi la personne en charge de l'animation à la Cinémathèque québécoise. Et il sera là pour nous présenter Marco Deblois, qui avait été notre premier récipiendaire au PIAF pour le prix Janet Bertom-Bendadzi, des gens qui font beaucoup pour l'animation, donc on est content de le voir un petit peu. Et le 9 juin, donc dans la même semaine, semaine près à Annecy, à mon avis ce n'est pas dû au hasard, 9 juin à la Maison de la Culture du Japon de Paris, donc il faudrait être à Paris, faudrait que vous pourrez aller voir, et ce serait bien, une sélection des films de la Gedai. La Gedai, c'est la célèbre école à Tokyo, mise en place par Koji Yamamura notamment, directeur pédagogique. Il y a des choses souvent très, très étonnantes qui sortent de cette école. Donc c'est le 9 juin à 19h. Allez, on va changer complètement d'univers. Quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, et hors micro, Francis Gavel m'a dit que j'étais très hype et très... Voilà, donc on va continuer dans les choses un peu rares, en tout cas peut-être un peu moins connue, même si elle est connue quand même. Claire Chase, C-H-A-S-E, Claire Chase, qui est une flûtiste. Alors, j'ai pas tout compris, c'est assez passionnant. Elle sort, elle a un projet qui s'appelle Density 2036, où visiblement, elle va créer un album tous les ans. C'est très, voilà, c'est quelqu'un très, qui a plein de choses, qui a plein de thématiques, etc. Elle a, enregistré énormément de grandes compositeurs et de grandes compositrices. Et là, le morceau qu'on va entendre, s'appelle Sex Magic, number one, c'est Pitoness. Et la compositrice est Lisa Lim. Donc, on écoute Claire Chase. Merci, Nicolas. Thank you. Un bulle de rêve, une émission plutôt musicale qu'animation aujourd'hui avec Claire Chase. Donc je vous conseille, flûtiste, vous avez entendu. Donc en effet, souvent qui fait morceau seul à la flûte comme ça, et c'est assez, un côté assez, pas hanté, mais il y a quelque chose d'assez fort comme ça, dans cette espèce de bruit, de résonance qui est assez fort. Allez, vous n'avez plus que quelques jours pour aller voir, si vous êtes à Paris ou dans le côté, la très belle exposition Matisse Cahier d'Art à Orsay, qui est jusqu'au 29 mai. Et j'avoue, je ne les ai pas vus, mais peut-être que c'est pour me donner l'envie d'aller les voir. Il y a Hiroshige et l'éventail au musée Guimet jusqu'au 29 mai, et Kimono au Quai Branly jusqu'au 28 mai. Deux expos tournées autour du Japon et qu'il faut que j'aille voir, mais voilà, peut-être que c'est pour moi aussi me pousser à aller voir, mais en tout cas Matisse Cahier d'Art, puis Orsay, c'est quand même l'un des plus beaux musées qu'il peut y avoir, donc voilà, comme ça vous baladez aussi dans Orsay. Sur Internet, je vous rappelle que, je vous rappelle juste parce qu'on parle beaucoup, vous savez, de ce truc qui s'appelle Netflix, et j'ai rien contre, enfin, etc., mais vous avez, je crois que je l'ai déjà dit, mais vous avez deux choses de VOD qui sont intéressantes, qui sont Mubi, M-U-B-I, et la Cinéthèque, qui finit avec un K, Cinéthèque, et voilà, qui propose des films d'art et d'essai, d'auteurs, d'autrices, et c'est, enfin voilà, c'est bien de soutenir aussi ce genre de, on est là aussi un peu là pour soutenir des sites VOD qui sont un peu plus arty, entre guillemets, ou en tout cas plus auteurs. Et pour parler cinéma, je vous conseille deux choses sur Internet qui sont alors pas pour des sorties salles, parce que je ne suis pas comme Francis Cavel, je ne vois pas les films 6 mois à l'avance, donc je ne peux pas vous dire. Mais je suis que sur des vieux trucs. Mais je vous conseille un réalisateur que j'aime beaucoup. C'est d'une banalité parce que je suis loin d'être le seul, qui est Akira Kurosawa. Et sur Internet, vous avez deux rencontres, Akira Kurosawa versus Takeshi Kitano. Alors vous tapez versus, alors c'est sous-titré en anglais, pas en français, mais en tout cas vous avez une rencontre entre Kurosawa et Kitano qui est assez étonnante à voir. Et alors si vous voulez voir deux géants, avec un géant qui était tout petit à l'époque entre guillemets, vous avez aussi Kurosawa Meet Miyazaki, et donc vous avez une rencontre très belle entre Akira Kurosawa et Hayao Miyazaki, avec un Miyazaki évidemment qui maintenant à l'âge, on va dire peut-être, d'un Kurosawa à l'époque, mais qui à l'époque évidemment était, c'est très touchant de voir, et non seulement c'est touchant, mais c'est assez passionnant de les entendre parler. Allez, on va faire un double on va écouter deux morceaux à la suite, voilà, je vais y arriver, deux morceaux à la suite qui sont complètement différents. C'est Maggie Lindenman avec L'Honneur de son album Paranoia. Maggie Lindenman sera le 30 mai à la machine du Moulin Rouge à Paris, donc bientôt. Vous allez voir, c'est plutôt, alors ce que j'aime bien aujourd'hui, ce que j'ai déjà fait écouter, c'est de la pop, mais pop un peu plus musclée entre guillemets, mais voilà. Et juste après, vous aurez Ginger, qu'on a déjà entendu ici sur l'album Wallflowers, un morceau qui s'appelle Call Me a Symbol, qui leur va bien, puisque c'est un groupe donc de métal. Vous allez entendre cette fameuse chanteuse qui peut faire du growl, donc qui peut hurler et à la fois chanter aussi de manière très très mélodique. Le groupe ukrainien, et donc qui fait le tour du monde depuis maintenant, évidemment, notamment l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et qui porte parole, c'est pour ça que vous avez Call Me a Symbol, qui est porte parole un petit peu, qui essaie de récupérer de l'argent à chaque fois dans ses concerts pour ensuite pouvoir aider le peuple ukrainien, et notamment les enfants, les hôpitaux. Donc voilà, donc Ginger ne passe pas à Paris, c'est plutôt bien, des groupes comme ça qui font les régions, mais pas forcément. Donc ils passeront, eux, le 10 juin à l'Aéronef à Lille. Donc si vous avez la possibilité, voilà, 10 juin à Lille. Donc on écoute Maggie Lindenman, L'Honneur, Paranoia, et Call Me a Symbol de Ginger. Merci Nicolas. But this sure feels good. Gonna stay here a couple more minutes than I should. Gonna take a couple shots and numb my feelings. Instead of dealing with my problems, I'll just stare at the ceiling. Foot into the heels, but this sure feels good. I know I said I'd stop before I drown, but I don't like the thought of counting down. Yeah, I'm a loner, and I like it that way. Un des hommes passa la tête par la fenêtre et héla un employé des chemins de fer qui passait pour bien s'assurer que c'était le bon train qu'il s'arrêtait à Cambridge. Le porteur confirma qu'évidemment ce train s'y arrêtait. Le jeune homme déclara qu'il n'avait aucune envie de s'apercevoir qu'ils allaient dans la mauvaise direction, n'est-ce pas ? Et il émit un son qui ressemblait un peu à celui d'un poisson en train d'aboyer, comme pour indiquer que c'était une remarque d'une drôlerie sans prix. Puis il rentra la tête dans le compartiment en se cognant au passage. La teneur en alcool de l'atmosphère du wagon s'éleva rapidement. Tout le monde semblait penser que la meilleure façon de se mettre dans de bonnes dispositions pour la réception d'après le mariage ce soir était de faire une descente au bar, pour permettre aux membres du groupe qui n'étaient pas déjà complètement ivres de rattraper les autres. De bruyantes acclamations accueillirent cette idée. Le train repartit avec une secousse et un grand nombre de ceux qui tenaient encore debout tombèrent sur le plancher. Trois jeunes hommes se laissèrent tomber aux trois places vides autour d'une table, la quatrième étant déjà occupée par un homme un peu obèse vêtu d'un costume démodé. Il avait un visage lugubre et ses grands yeux de vache au regard humide se perdaient dans un lointain inconnu. Très lentement, ses yeux commencèrent à cesser de fixer l'infini pour revenir à son entourage plus immédiat et à ses nouveaux et encombrants compagnons. Les trois hommes discutaient bruyamment la question de savoir s'ils allaient tous se rendre au bar, si certains d'entre eux iraient au bar pour rapporter des boissons pour les autres, Si ceux qui irent au bar n'allaient pas être tellement excités par toutes les boissons qu'on trouvait là-bas qu'ils allaient rester au comptoir en oubliant d'en rapporter pour les autres, qui seraient assis à attendre anxieusement leur retour. Et si, même au cas où ils se souviendraient de revenir aussitôt avec des consommations, ils seraient réellement capables de les porter et ne les renverseraient pas tout simplement dans le wagon en revenant, incommodant ainsi les autres passagers. On parut arriver à une sorte de consensus, mais presque aussitôt aucun d'eux ne put se rappeler ce que c'était. Deux des jeunes gens se levèrent, puis se rassirent, tandis que le troisième se levait, puis il se rassit à son tour. Les deux autres se relevèrent, exprimant l'idée qu'il serait peut-être plus simple d'acheter tout le contenu du bar. Le troisième allait se lever une nouvelle fois et les suivre, quand, lentement, mais avec une résolution que rien ne pouvait l'arrêter, l'homme aux yeux de vache, assis en face de lui, se pencha par-dessus la table pour l'empoigner solidement par le bras. Le jeune homme en jaquette leva les yeux aussi vivement que son cerveau un peu pâteux le lui permettait, stupéfait, dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Michael Wenton Weeks le fixa dans les yeux avec une terrible intensité et dit à voix basse « J'étais sur un bateau. » « Quoi ?» lui répondit l'autre. « Un bateau !» reprit Michael. « Quel bateau de quoi parlez-vous? Laissez-moi tranquille, lâchez-moi » « Nous avons parcouru, reprit Michael, d'une voix douce et presque inaudible mais insistante, une distance monstrueuse. Nous sommes venus construire un paradis ici. » Son regard vacillant parcourut brièvement le wagon, puis regarda un instant au travers des vitres éclaboussées de pluie la nuit qui tombait sur une soirée pluvieuse dans le Suffolk. Son regard était plein d'un évident mépris. Il resserra son étreinte sur le bras du jeune homme. « Écoutez !» Du jeune homme, pardon. « Écoutez, je m'en vais chercher un verre, » dit l'invité au mariage, mais sans conviction, car de toute évidence, il n'y allait pas. « Nous avons laissé derrière ceux qui voulaient se détruire par la guerre, » murmura Michael. « Notre monde devait être un monde de paix, de musique, d'art, de lumière. Tout ce qui était mesquin, tout ce qui était terre à terre, tout ce qui était méprisable n'aurait pas de place dans notre monde. » Le fêtard immobilisé regardait Michael d'un air interrogateur. Il n'avait pas l'air d'un vieux hippie. Bien sûr, on pouvait jamais dire. Son propre frère aîné avait autrefois passé 2 ans dans une communauté druidique à croquer des beignets au LSD et à croire qu'il était un arbre. Et depuis lors, il était devenu directeur d'une banque d'affaires. La différence, bien sûr, c'était qu'il ne croyait pratiquement plus jamais qu'il était un arbre, sauf de temps en temps, et qu'il avait depuis longtemps appris à éviter le cru du bordelais qui parfois déclenchait cette réminiscence. Il y avait ceux qui disaient que nous échouerions, poursuivit Michael, de sa voix basse qui s'entendait distinctement au milieu du joyeux vacarme qui emplissait le wagon, qui prophétisaient que nous portions en nous le germe de la guerre. Mais notre noble but était que seul l'art et la beauté devaient fleurir. L'art sous sa forme la plus noble, la beauté sous sa forme la plus haute, la musique. Nous n'avons amené que ceux qui croyaient, que ceux qui souhaitaient que ce fût vrai. Mais de quoi parlez-vous ? Demanda l'invité au mariage. Mais d'un ton plutôt conciliant, car il était tombé sous le charme hypnotique de Michael. Quand était-ce ? Où était-ce ? Michael avait le souffle rauque. Avant que vous soyez, dit-il enfin, restez tranquille, je vais vous raconter. Petit extrait d'un livre qui s'appelle « Un cheval dans la salle de bain » de Douglas Adams. Douglas Adams, on le connaît, voilà ce que c'est, notamment évidemment pour H2G2, hein, le guide du voyage galactique, fameux. Mais il a aussi créé un personnage, malheureusement, sa mort l'empêchait de faire un troisième, qui est paru dans 2 livres, qui s'appelle Dirk Gently, détective holistique. Et c'est très drôle, c'est du pur Douglas Adams, à la fois drôle et absolument passionnant et fascinant. Donc voilà, je vous le conseille, ce premier s'appelle « Un cheval dans la salle de bain ». On va écouter, allez, parce qu'il va falloir supprimer ça. On va supprimer le 8e morceau qui était Beyoncé, Allô. C'était très sympa, mais on verra si on réécoutera après. Et on va passer directement à Hermeto Pascoal et son groupe. Hermeto Pascoal sera bientôt en concert. Le fou brésilien que vous connaissez peut-être sûrement maintenant passera le 1er juillet au New Morning. Et j'ai malheureusement coupé un tout petit peu le morceau qui était trop long. Et c'était à Jazz à Vienne en 2018. Et vous allez voir qu'en plein milieu du morceau, il commence à jouer avec l'homme qui fait les percussions. Et ça part dans une espèce de délire. Vous allez entendre, le son est peut-être un peu bas. Donc voilà, Nicolas, peut-être un petit peu plus fort, mais on écoute. Akuli, donc Jazz à Vienne, Hermeto Pascoal. Thank you. Se puxo, solo. Solo. Solo. Alors donc vous écoutiez Hermeto Pascoal, alors évidemment le son est vraiment très bas et ça a été récupéré, voilà, c'était sur pourtant quelque chose qui a l'air de sortir de Jazz à Vienne, qui avait dû être sorti à l'époque, mais voilà, en tout cas il passe, et vous aurez un meilleur son, il passe à Paris, pour les gens qui sont à Paris ou dans la région, je l'ai noté, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vois ça le 1er juillet au New Morning. Quelques autres dates, alors là pas de concert mais de spectacle à voir, Adrien M et Claire B passent à Chaillot. Adrien M et Claire B, c'est des chorégraphes, ils travaillent beaucoup avec l'image de synthèse, avec le numérique, et ils font un spectacle qui s'appelle Dernière Minute à Chaillot du 2 au 10 juin, je vous le conseille. Il y a un autre spectacle au même moment du 2 au 10 juin qui s'appelle Entrer dans la danse avec trois danseuses, Julie Demet, pardon pour la prononciation, Weaver, Eugénie Andrin et Claire Alanté, du 2 au 10 juin, et c'est autour de la peste dansante, qui est ce fameux moment important au Moyen-Âge où des gens se sont mis à danser, alors, notamment à Strasbourg mais aussi en Allemagne, et que c'est passé une sorte de rébellion, de folie, enfin, etc., mais qui est important. Et là, visiblement, ça va être à un moment donné interactif, puisque on rentre dans une salle à 20 personnes et on danse visiblement avec les ombres des danseurs et des danseuses qui sont là, enfin, etc. Donc, il y a un côté très qui va être assez impressionnant. C'est à Chaillot du 2 au 10 juin. Si vous avez l'occasion aussi, si vous êtes plutôt là à Orléans, sur la scène nationale d'Orléans, là où Marion Vin, qui était déjà venu ici, avait fait un très joli bande-annonce pour la scène nationale d'Orléans. Vous pourrez voir le spectacle le 1er juin aussi, donc il va falloir choisir à un moment donné, qui s'appelle Glass House, de Lucas Fagin et Boris Labbé. On a souvent parlé de Boris Labbé ici, donc créateur d'animation, mais aussi de pas mal de visuels pour les spectacles. Donc voilà, ça peut être assez intéressant de voir. Et puisqu'on est dans la danse, je vous donne juste, ça c'est pour le petit plaisir, de vous donner l'une de mes danseuses préférées, qui s'appelle Alessia Dobysh, D-O-B-Y-S-H, Alessia A-E-L. S-Y-A de B-Y-S-H, et qui fait de la house, et que c'est très, très impressionnant. Et donc voilà, donc si vous avez l'occasion de jeter un petit coup d'œil. Et nous allons avancer dans la progression musicale, et on va passer deux morceaux un qui s'appelle Red Tubular Lighter. C'est un album qui est sorti en 2020, mais qui nous parle d'un groupe qui était dans les années 70, s'appelle The Mother of Invention. Donc c'est Frank Zappa et les Mother of Invention. Et vous allez entendre un morceau très psychédélique qu'on entend assez peu chez Zappa. C'est un gros coffret qui est ressorti, sort beaucoup de choses sur la famille Zappa, sort beaucoup de choses. C'est bien, Zappa enregistrait tout. Donc ça, c'est vraiment passionnant. Et puis c'est un petit clin d'œil là, qui est complètement personnel pour un papa qui est décédé il y a quelques années, qui aurait eu un certain âge, on va dire, mais qui serait toujours avec nous dans quelques jours. C'était son anniversaire, donc voilà, petit clin d'œil, grand fan de Zappa, et donc d'écouter ça. Et juste après, un compositeur que j'ai découvert, qui a été redécouvert il y a quelques années, je suis un peu en retard, qui s'appelle Julius Eastman, compositeur alors très intéressant. On va écouter les deux morceaux l'un après l'autre, c'est deux choses différentes. Julius Eastman, c'est un compositeur qui est né en 1940, qui est mort en 1990, qui est un peu de la même époque que Steve Reich et Philip Glass. Vous entendrez une musique minimaliste, pareil, j'ai coupé le morceau, j'en suis désolé, mais écoutez ce qu'il fait. C'est une provocation, il était très provocateur, mais dans le bon, enfin, dans le sens vraiment d'essayer de provoquer justement des choses. Il a un morceau qui s'appelle Guerrilla. Il était, comme le disait, donc homosexuel, afro-américain. Il avait, il y avait plein de choses qui étaient complexes à l'époque, toujours complexes aujourd'hui. Mais, et c'était un peu embêtant, hein, parce que c'était un peu facile. C'était une étiquette qui était un peu facile et qu'on mettait. C'est un très grand compositeur. Et moi, j'ai découvert, et c'était une, enfin voilà, moi qui aime bien Steve Reich, ça a été une vraie découverte. Donc, que je fais, voilà, que je partage avec vous. Julius Eastman, et on entend un morceau qui s'appelle Stay On It, et vous comprendrez le rapport aussi avec Steve Reich, puisque vous allez entendre ce Stay On It qui est répété plusieurs fois. Donc voilà, on écoute ces deux morceaux et on se retrouve juste après. Merci. We'll be right back. East Eastman, donc vraiment à découvrir. ST, donc Eastman, comme l'homme de l'Est. Eastman, voilà, alors... Francis Cavedani, on dirait du David Lynch, je sais pas trop si c'est, parce que David Lynch, je peux l'enjeu Badalamenti, c'est plutôt cool, ou un peu, mais voilà, mais c'était sa vision à lui. En tout cas, voilà, si vous aimez Steve Reich, et voilà, je pense que c'est vraiment quelqu'un à découvrir pour les gens qui n'ont pas découvert. On s'éloigne un peu de l'animation, parce qu'après tout, il n'y a pas de l'animation dans la vie. Je voulais juste vous dire que Kyoko, qui est sûrement l'une des épiceries les plus connues, alors si vous êtes à Paris ou dans le coin, par rapport au Japon, même s'ils ont un site internet, vous pouvez commander. C'est 46 rue des Petits Champs, donc dans le deuxième à Paris. Kyoko, célèbre épicerie japonaise, vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps alors, j'ai pas de pourcentage, hein, vous inquiétez pas, c'est juste vient d'ouvrir un magasin spécial saké, qui s'appelle Kyoko Saké, donc dans le Marais. C'est 20 rue Malheur, comme le compositeur, hein, Gustave Malheur. Donc voilà, dans le quatrième, le Hellfest a ouvert son bar depuis maintenant 2-3 ans. Je suis toujours pas allé. Hellfest Corner, 25 rue du Quincampoix, dans le quatrième. Faut que j'y aille. Peut-être que aujourd'hui je vous donne des adresses où faut que j'y aille. Et donc je me dis, mais en tout cas voilà, pour les gens qui aiment le métal. Et juste pour finir sur le Japon, sachez qu'il y a un très très bon saké qui est fait en France avec les eaux du Pilat rhodanien, ce qui s'appelle les larmes du Levant. leslarmesdulevant.com. Vous pouvez trouver ça, qui est un très très bon donc saké d'ici. Et allez, je vous donne une adresse pour les gens qui aiment bien le Japon. Deux adresses, le restaurant Zen, rue de l'Échelle, qui est un restaurant que j'aime beaucoup, qui fait partie de ces restaurants pas trop chers si vous voulez manger des bons sushis, mais justement, c'est un peu entre les deux, c'est pas des grands restaurants très très chers, c'est pas non plus les restaurants avec des sushis un peu industriels, on va dire, donc le poisson est très bon, donc restaurant Zen, 8 rue de l'Échelle, et pas très loin, pour le dessert, vous pouvez aller au Tomo, qui est 11 rue Chabanais, dans le deuxième, et qui mélange influence japonaise et influence occidentale, et qui a un nouveau magasin, c'est pour ça que j'en parle, 16 rue Grégoire de Tours, dans le sixième, et c'est plus très bon. Allez, on va passer au Maroc et j'ai retrouvé ça. Meknès étant le centre du Maroc, comme tout le monde le sait, grâce au FICAM et grâce à Ashkane, on va écouter Issawa Style Ashkane, qui doit être le numéro 12, Nicolas. Merci. وخليها ديما شاخدة بيديك شالي هكا اش كاين بلا فرط ديما هكا اوه تبن كي ديبارك انوفو كي تبراك افيك كلاس نمكناس بو غميت لبار في اوه لف دي برا دوفن كي ديبارك دون تا فيل كي تنبارك سان دموندي تون افي ايساوا ستايل دوفن سي لي ميم كي روفيان سو كي ميل لور بارك باز ا بار بو ريبروندر باي كي سون بار دو مايك ميك اش كاين الفوضى بريت جمع عيسى وجبة الله ميضة نوضة نهبلوها نوضة نوفيل امباك اش كاين سغيت عيسى ويكمباك نبوت باكم دابوج غاب فيري غوج واهي واهي غنسالهم دابا واش طاح معانا خوك انا اش فيها لاش تحتي غتخسر شي حاجة في القرن باجي حدانا هنا ايوا انا مور نضم تما موفي توا بليزير بلا ما تعقد الامور نغمة باينة صافي بليزير كلشي موخ بقيتي غير انت بوحدك عقد شد هاك خود خوك انا هذا كنز بالكنوز خلاو جدودنا لينا وليكم اللي بحث فيه وحفى عيني فون خير نسولو حنا نوريو منين غادي يدوز نغمة العيساوية واهيا واهيا نتاك مزال في السن وغان كتب ونزيد نكون ودايم الله يا ناس حياتي ديما عليه معول وما تبقاش مكون اموت زيد دور شوف خوك انا خوك انا في الديوانه يا جماع قلاب الهيتا سيف لسان دوتي عاش كاين جاكو بلا ما يساوي يا بجدور عروق مكناسيه و 100% مغرب يا الله ديم كلشي يقول الله ديم الكل مخربه عاش كاين بريت جامع يساوي شابه راها ميدان نور نهبلو هالنور نوفيل امباك عاش كاين سو ريتم يساوي كومباك نبوت با كوم دابوج غاب فيري روج واهيا واهيا الكل مخربه عاش كاين بريت جامع يساوي شابه راها ميدان نور نهبلو هالنور نوفيل امباك عاش كاين سو ريتم يساوي كومباك نبوت با كوم دابوج غاب فيري روج واهيا واهيا بيك ناس بيك Bulle de rêve, l'émission 100% cinéma d'animation qui s'éloigne un petit peu du cinéma d'animation, donc évidemment sur Radio Libertaire. Jim intervint alors. Est-ce que c'est la mort, cette fête foraine? Le vieil homme alluma sa pipe, souffla la fumée et étudia les volutes qui montent. Non, mais je pense qu'elle utilise la mort comme menace. La mort n'existe pas. Elle n'a jamais existé, elle n'existera jamais. Mais nous en avons fait tant de portraits pendant si longtemps dans notre effort pour la comprendre, pour la définir précisément, que nous en sommes arrivés à avoir en elle une sorte d'entité étrangement vivante et avide. En fait, elle n'est qu'une montre arrêtée, une perte, une fin, une nuit noire, rien. Et les forains savent bien que nous sommes plus effrayés par rien que par quelque chose. On peut lutter contre quelque chose, mais contre rien? Où porter les coups? Cette fête foraine a-t-elle un cœur, une âme, un derrière ou un cerveau? Non, non. Alors elle se contente d'agiter un grand gobelet de croupier rempli de rien et nous moissonne à mesure que la peur nous culbute. Oh, elle nous montre quelque chose qui peut éventuellement mener à rien, bien sûr. Ce foisonnement de miroir installé dans la prairie, c'est certainement quelque chose à l'état brut. Suffisant pour que l'âme perde des pédales. C'est un coup bas qui fait prendre conscience que 90 ans d'une vie sont passés. Les vapeurs de l'éternité s'échappent de soi comme la buée d'un bloc de glace. Et quand on est bien congelé, une douce et subtile musique en quête d'âme est jouée. Une musique au senteur de robes fraîchement lavées qui danse sur les cordes à linge du fond du jardin au mois de mai. Aux sonorités qui évoquent des meules de foin macérant dans du vin. Une sorte de mélodie de ciel bleu et de nuit d'été passée sur un lac qui se prolonge jusqu'à ce que la tête résonne de tambours pareils à des lunes pleines s'agitant autour du limonaire. Quelle simplicité! Dieu que j'admire leur façon d'agir sans embâge. On frappe un vieil homme avec des miroirs et on le regarde s'effriter en petits morceaux de puzzle de glaçons que seuls les forains peuvent reconstituer. Et comment? En valsant à l'envers sur le manège au son de Mon bel Ohio ou de La Veuve Joyeuse. Mais il se garde bien de dire une chose à ces gens qui le laissent emporter par cette musique. Quelle chose demanda Jim. Eh bien, que si l'on est un misérable pêcheur dans son Europe originelle, on restera un misérable pêcheur dans l'autre. Changer de taille ne modifie pas le cerveau. Si je te faisais avoir 20 ans, 25 ans demain, Jim, tes pensées resteraient des pensées de jeune garçon et ça se verrait. Ou s'il me transformait moi en un garçon de 10 ans, mon cerveau aurait toujours 50 et ce garçonnet serait plus vieux et agirait plus singulièrement que tous les autres garçons de son âge. Et le temps serait aussi décalé d'une autre façon. C'est un extrait, vous l'avez peut-être reconnu, de La Foire des Ténèbres de Ray Bradbury. Ray Bradbury est un auteur à relire et je pense que peut-être je relirai un moment de Fahrenheit 451 qui nous raconte bien aussi ce qui se passe aujourd'hui et qui est assez passionnant. Allez, on va faire un double. Alors là, on va se faire plaisir. Depuis tout à l'heure, Francis Gabel se moque en disant que c'est hype ou que c'est des choses qui sont vraies. Alors là, on tombe vraiment quelque chose que tout le monde connaît. On va écouter une chanteuse que je passe pas tant que ça, quelque chose que j'aime beaucoup, qui est la piste 14 et 15, je le dis de suite pour Nicolas, qui est une chanteuse qui s'appelle Britney Spears. Britney Spears, dont je parle de temps à autre. On va écouter une version de Baby One More Time, un tube hyper connu, mais en live à Miami. Donc vous allez entendre avec un arrangement complètement différent. Et ensuite, on va écouter une reprise d'un de ses tubes toxiques, voilà, ces deux morceaux les plus connus, par une chanteuse qui s'appelle Nina Nesbitt. Et là aussi, on est sur un changement de tempo complètement différent par rapport à la musique. Donc on écoute le morceau 14 et 15 à la suite. Merci Nicolas. Yeah. I'm about to break it down right here. turn me up just a little. Turn me up. Oh, baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right? Oh, baby, baby, I shouldn't let you go. And now you're out of sight. Yeah. Show me how you want it to be. Tell me, baby, I need to know, know. My loneliness is killing me. Oh, I must confess. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Onyx Hotel. Feel free to grab a little something at the bar. It's on us. Enjoy the ride. Oh, baby, baby, the reason I breathe is you. Hey, but you got me blinded. Oh, for some of the foxiest young ladies here at the Onyx Hotel, huh? Starring Britney Spears. Britney, baby, come on and hit me one more time. Hit me, baby, hit me one more time. Baby, baby, hit me one more time. Hit me, baby, hit me one more time. Baby, baby, hit me one more time. Hit me, baby, hit me one more time. I'd like to thank you all for coming out tonight. And please, let's give it up once again for these lovely young ladies here at the Onyx Hotel. This is Gromyko. Good night. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. Ooh, there's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it, ooh. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Can you feel me now? Give you up, I took a sip from the devil's cup. Slowly, it's taking over me. Ooh, feel me now. Bulle de rêve, donc l'émission normalement en 100% animation, seule avec Nicolas et Francis Gavel en guest, mais une émission avant tout musicale. Et d'ailleurs, on va enchaîner avec le morceau. J'essaie de passer tous les morceaux que j'ai prévus, c'est une espèce d'excitation là où je me dis peut-être que ça va réussir. On va enchaîner avec le 16 et le 17. On va enchaîner. Pourquoi on va enchaîner? C'est que vous avez entendu donc la Britney Spears dans une version un peu particulière de Baby One More Time et une version aussi changée au niveau des arrangements, enfin du rythme de Toxic. Et on va continuer avec, alors, je vais avec le 16 et le 17, le morceau 17, c'est le Tokyo Ska Paradise Orchestra, qui est un groupe un peu fou japonais, donc un peu scam, et qui reprend notamment des tubes un peu connus. Ici, vous allez entendre une version un peu particulière de Caravan, oui, le morceau de Duke Ellington, vous allez l'entendre. Et juste avant, un album que je dois à mon frère, qui m'a fait découvrir, et je suis pas sûr que beaucoup de gens connaissent, d'un groupe qui s'appelle The Mariachi Brass. Très peu connu, j'ai essayé de regarder sur Internet, on n'arrive pas à découvrir, et qui a fait 4 albums uniquement en 1966, avec un trompettiste plutôt connu qui s'appelle Chet Baker. Et c'est très étonnant parce que ce mélange de mains, on demande même si Chet Baker a fait ça pour l'argent, on sait pas trop. Alors il y a Jack Nitzsche qui est qui est assez connu au niveau de, aide-moi Francis, de... Bah, c'est un arrangeur très connu. Arrangeur, voilà. Merci beaucoup, j'avais pas trouvé. Un arrangeur très connu qui participe, qui arrange. Donc c'est 4 morceaux, c'est 4 albums. Vous allez entendre, c'est du mariachi, donc il reprend, et là ils reprennent These Boots Are Made For Walking, donc on écoute These Boots Are Made For Walking d'abord, et Caravan de version un peu particulière. Alors, la recette pour les crêpes vertes au matcha, zeste de citron et fruits. Je vous donne la liste des ingrédients. Pour la pâte à crêpes, 3 œufs, 250 g de farine, 50 cl de lait, 50 g de beurre, une pincée de sel et 6 g de thé vert matcha. Rajoutez à cela 3 citrons biologiques et des fruits de saison. En 1, préparez la pâte à crêpes, bien sûr. Faites fondre doucement le beurre dans une casserole à fond épais. Il ne faut pas qu'il colore, attention, arrêtez le feu dès qu'il a fondu. Durant ce temps, battez les œufs à la fourchette dans un bol. Dans une terrine, mélangez au fouet la farine, les œufs et le sel. Ajoutez un quart du lait. Mélangez bien pour éviter la formation des grumeaux, bien sûr. Ajoutez petit à petit le reste du lait, puis le beurre fondu. Prélevez une cuillère à soupe de cet appareil à crêpes et mélangez-le avec le thé matcha dans un petit bol. Ajoutez petit à petit plusieurs autres cuillerées de l'appareil à crêpes pour diluer le thé matcha. Ajoutez ce mélange au thé matcha dans l'appareil à pâte à crêpes, lissez au fouet et laissez reposer à température ambiante pendant 2 heures. Ensuite, quand vous le sortez, faites chauffer une poêle anti-adhésive, ça vous savez, hein, sans matière grasse, versez un peu de pâte à crêpes, donc cette pâte à crêpes au matcha, excellente, étalez de suite. Quand la crêpe est cuite d'un côté, bien évidemment, retournez-la avec une spatule large, pour que ça soit de l'autre côté, bien évidemment. Recouvrez de papier d'aluminium, ça à côté, vous les mettez, empilez les crêpes, comme ça vous les avez bien à côté. Durant ce même temps, prélevez les zestes de citron que vous ébouillantez dans 2 eaux bouillantes successives. Vous avez 2 eaux bouillantes, hein, et vous réservez. Ensuite, vous lavez, vous épluchez les fruits choisis que vous émincez. Et ensuite, vous ferez les crêpes de fruits et de zeste. Et vous avez d'excellentes crêpes vertes au matcha, zeste de citron et fruits. Et puis, comme c'est la saison, je vais vous donner une recette très simple, mais très excellente, de soupe de fraises à la menthe. C'est parfait, hein, les fraises vont venir. Alors, à peu près 500 g de fraises, une branche de menthe, 30 g de citron, un peu de jus de citron. Alors d'abord, évidemment, équeutez les fraises et lavez-les dans de l'eau fraîche. Ensuite, effeuillez la menthe et lavez-la. Essuyez les fraises et les feuilles de menthe, c'est mieux. Mixez les fraises et la menthe avec le jus de citron. Ajoutez à votre préparation une cuillerée à soupe de crème légère fouettée qui va donner un petit goût excellent. Ajoutez ensuite une cuillerée à sucre de canne, de manière préférable, et mélanger délicatement. Vous laissez reposer une demi-heure au froid. Et vous pouvez même accompagner de crème légère fouettée quand vous les discutez. Alors, vous avez une astuce. Selon qui vous êtes, vous pouvez acheter une cuillère à soupe de miel pour la rendre un peu sucrée. Ou on peut même rajouter du vin blanc. Alors là, c'est pour les personnes qui veulent. Voilà pour 2 petites recettes. Le week-end prochain, 27 et 28 mai, à Paris, vous avez un festival qui s'appelle le Post in Paris, où vous aurez, au Petit Bain, à la Dame de Canton, vous aurez Lost in Kiff, Where Mermaids Drown, Birds in a Row, pas mal de gens complètement de groupe, donc plutôt post-rock, ou en tout cas rock progressif. Et on va écouter Arios avec un morceau qui s'appelle Bashibouzouk, sur leur premier album, Missible, et qui seront, comme vous entendrez, on peut avoir des choses complètement différentes, qui seront à la Dame de Canton, donc. Et au Petit Bain, on écoute Nicolas. Le morceau, donc, 18. vous pourrez voir Arius, donc le groupe qu'on vient d'entendre, avec notamment Lost in Keith, Where Mermaids Drown, Birds in a Row, Sar, Maudie. Donc voilà, Arius, puisque Francis Gavel disait que je passais pas de choses françaises, qui est un groupe français, comme quoi, voilà. Hein, merci Francis Gavel. Vous pourrez aller voir donc le 27-28 mai, Post in Paris, petit bain, et à la Dame de Canton. D'autres, rapidement, M83 passera à l'Olympia, sorti un nouvel album, mais c'est complet. Son album Fantasy a très bien marche bien, sorti le 17 mars, mais il sera à l'Aéronef à Lille le 2 juillet, si vous avez l'occasion. Ron passe le 19 juin à la Philharmonie, mais c'est complet aussi. Donc je vous rappelle que Ginger, qu'on a entendu, passe le 10 juin à l'Aéronef de Lille. Maggie Lindenman, le 30 mai, à la Machine du Moulin Rouge. Hermeto Pasquale, pardon, le 1er juillet au New Morning, et McKinley Dixon, au hasard ludique, le 12 juin. Vous avez aussi deux concerts que je n'ai pas passé de morceaux, mais Death Grips, expérimental metal, un truc un peu fou, qui passe au Bataclan le 29 juin, et Code Orange, on est de nouveau dans du metal, un peu hip-hop, qui mélange aussi un peu les choses, mais surtout quand même assez metal, qui passe le 27 juin au Trabendo. Les musiques sont quasiment pas passées. On n'aura pas entendu donc Halo de Beyoncé. On n'aura pas entendu El Divine Dance on the Dance Floor. On n'aura pas entendu Shady ou The Prisoner Art Paper. Mais en tout cas, quasiment tout est passé. Il n'y aura pas d'émission Bulle de Rêve au mois de juin. Il y a Annecy, il y a pas mal de choses, mais on aura une double ration au mois de juillet. Mais vous retrouvez donc au mois de juin Bulle Noire pendant tout ce temps-là. Et on va finir avec See You Space Cowboys, qui passeront en concert le 25 mai au Cabaret Sauvage. Alors ils sont en première partie, c'est un petit peu cher pour aller voir, c'est 31 €. Ils sont en première partie, donc The We Came As Roman. Et donc on finit, notre générique sera de leur album The Romance of Affliction. Et le morceau, j'aime beaucoup les titres de leurs morceaux, c'est Mélodrama Between Two Entirely Bored Individuals, donc un mélodrame entre deux personnes véritablement ennuyées, qui s'ennuient. Donc voilà, donc merci Nicolas pour avoir été là encore, comme d'habitude, pour la réalisation. Et donc on écoute See You Space Cowboys, et donc on se revoit un peu plus tard. Bye bye. So rough, somebody's gonna start crying.